Chers auditeurs, bonjour. Vincent, au micro de ERFM. En ces jours pluvieux, nous allons parler de contrôle du climat. Vous allez vivre l'heure la plus sombre. Chers auditeurs, le monde dans lequel on croit vivre est totalement différent du monde dans lequel on vit vraiment. C'est par cette phrase énigmatique que commence le livre « La guerre secrète contre les peuples », le dernier ouvrage de Claire Sévrac, notre invitée de la semaine. Claire, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, vous êtes lanceuse d'alerte. Vous dénoncez depuis plusieurs années certains comportements des gouvernements, de l'industrie pharmaceutique ou de l'armée. Vous êtes l'auteur de plusieurs livres. On citera « Complot mondial contre la santé », publié en 2011 chez les éditions Alphée. « La coupe est pleine, nos enfants sont plus précieux que le CAC 40 », publié chez Elie et Mado en 2012. Ou encore « La guerre secrète contre les peuples » dont nous allons parler aujourd'hui est paru aux éditions Contre-Culture. J'en profite pour rappeler tout de suite à nos auditeurs que vous serez en conférence ce samedi 19 septembre au Théâtre de la Main d'Or à 14h30. Toutes les informations sont disponibles sur le site d'Égalité et Réconciliation. Chers auditeurs, je suis également accompagné pour cette troisième émission de Jean-Marie, responsable de la section Île-de-France. Jean-Marie, bonjour. Bonjour. Jean-Marie, c'est à toi que l'on doit l'organisation de la conférence de Claire Sévrac au Théâtre de la Main d'Or. Je crois savoir que tu t'intéresses beaucoup au sujet dont elle traite dans son dernier livre. C'est oui, ça? Tout à fait. Tu vas pouvoir nous aider à y voir plus clair. Chers auditeurs, comme chaque semaine, j'ai à mes côtés mon acolyte, Xavier, de la rédaction d'Égalité et Réconciliation. Xavier, bonjour. Bonjour. Alors, chers auditeurs, sachez que la semaine prochaine, nous recevrons Dimitri Corias, avec lequel nous traiterons de l'actualité française. Donc, avec Xavier, nous avons décidé d'un commun accord de consacrer l'entièreté de cette émission au sujet de fond traité dans le livre de Claire Sévrac. Ce livre, d'ailleurs, Xavier, tu peux nous en parler un peu? Oui, Vincent, comme toi, j'ai lu cet ouvrage, cette enquête très dense, plus de 400 pages, extrêmement fouillée, toujours sourcée. Alors en plus, c'est un très bel objet avec une préface de Pierre Hillard, une couverture réalisée par Marie. Donc c'est une couverture qui représente les sujets abordés dans ce livre, les sujets qui touchent à la géo-ingénierie, les différents aspects de la géo-ingénierie. Donc c'est des sujets nombreux. Vous démystifiez les ONG environnementales et leur rôle. Vous apportez un éclairage assez complet sur la question des chemtrails, c'est-à-dire des épandages aériens. Vous avez longuement enquêté sur le projet ARP, mais aussi sur les dangers des ondes et des micro-ondes sur notre santé. Alors la première question que je voulais vous poser, et qu'on vous pose souvent, je pense, vous avez une carrière assez longue d'auteur, compositeur, interprète dans le monde de la musique. Vous avez écrit des livres sur des sujets divers, sur Claude François, sur Dalida, sur le football, avec comment devenir footballeur, avec une préface de Nicolas Nelka. Alors, est-ce que vous pouvez un peu revenir sur ce parcours et comment vous en êtes arrivé à vous intéresser aux problématiques de santé? Bon, en fait, j'ai beaucoup travaillé dans la musique, oui, surtout aux États-Unis, parce que j'y suis resté 15 ans et j'ai écrit pour plein de gens comme Donna Summer, Emile Waris, Chicago, Young MC, Chaka Khan, plein de gens intéressants. Et après, je suis rentrée en France et c'est vrai que je n'ai pas trop supporté le voyage de passer à des gens comme Stevie Wonder à la Star Academy. Quoi. C'était un peu dur comme virage. Et donc, j'ai cherché des idées de livres. J'avais déjà écrit un premier bouquin aux États-Unis quelques années avant. Et puis après, en fait, le temps que j'étais à Los Angeles, il y avait eu la campagne de vaccination contre l'hépatite B. Et je me suis crue, comme beaucoup de mères maintenant, super intelligente et super bonne maman. Et j'ai voulu faire vacciner ma fille en me disant que comme ça, elle risquerait rien, etc. En fait, j'ai cru tout ce qu'ils disaient à la télé. Et je me suis rendu compte, 2 ans après, qu'il y avait beaucoup, beaucoup d'enfants qui étaient sur des fauteuils roulants avec des scléroses en plaques. Et je me suis dit que j'avais été vraiment imbécile et manipulée et que j'aurais jamais pensé, si on m'avait dit à l'époque que j'étais manipulée, j'aurais jamais cru. Je croyais vraiment que ce qu'on disait à la télé, c'était des infos. Et quand j'ai vu le risque que j'avais pris, je me suis dit que plus jamais j'écouterais ce qu'ils disent et que quand il y aurait un problème, je me ferais ma propre idée et j'enquêterais dessus. Et donc, quand il y a eu le H1N1, j'ai commencé à regarder ce qu'il fallait faire pour ma famille. Et là, je suis tombée sur un truc auquel j'aurais jamais pensé, quoi. Avec des trucs complètement incohérents, des conflits d'intérêts, jamais j'aurais pensé que la santé était entre les mains d'une mafia, quoi. Voilà. Et ensuite, donc, dans ce dernier livre, La guerre secrète contre les peuples, vous parlez de géo-ingénierie, de chemtrails, donc. Alors moi, si je me mets à la place de l'auditeur qui, peut-être comme moi, ne connaît pas vraiment ce sujet ou du moins ne s'y est pas pour l'instant intéressé vraiment en profondeur, la première chose que je ferais, ce serait d'aller sur Google, de taper chemtrail sur Google. Et donc, je tomberais sur cette page Wikipédia, donc je l'ai fait, hein. Et on tomberait, premier article, théorie de la conspiration des chemtrails, qui nous explique que la théorie des chemtrails avance que certaines traînées blanches créées par le passage des avions en vol sont composées de produits chimiques délibérément répandus en haute altitude par diverses agences gouvernementales pour des raisons dissimulées au grand public. Cette théorie est rejetée par la communauté scientifique qui considère qu'il s'agit de simples traînées de condensation. Alors Claire, qu'est-ce que vous pensez de cette première définition qu'on peut avoir en... Alors, premièrement, je pense que tout ce qui ennuie le système, ils ont réglé le problème une fois pour toutes, on est des conspirationnistes. Mais quand on leur demande, eux, d'apporter la preuve, par exemple, que les vaccins sont bons, ils ne sont pas capables de l'apporter, sauf dire que c'est un dogme et que les vaccins sont bons. Et là, c'est la même chose. C'est-à-dire, on nous dit qu'on est des conspirationnistes quand on parle des chemtrails, mais il suffit de regarder le ciel. Enfin, on est en train de nous dire depuis une vingtaine, trentaine d'années que ce qu'on voit n'est pas la réalité, que ce qui est la réalité, c'est ce qu'on nous sert à la télévision. C'est pas vrai. Regardez le ciel, vous verrez bien qu'il y a des choses qui sont pas normales. Il y a des traînées qui ne sont pas des traînées normales. Alors après, il y a effectivement, ils disent les traînées de condensation, c'est-à-dire ce sont les avions qui laissent une traînée quand ils volent. Moi, je suis d'un âge qui me permet au moins d'avoir vu des avions qui volaient et qui laissaient des avions en réaction qui laissaient une traînée derrière. Mais la traînée se défait au fur et à mesure que l'avion avance. Dans le cas des chemtrails, la traînée continue, ne se défait pas. Au contraire, elle s'élargit et elle rejoint les autres traînées à côté. C'est-à-dire que, alors, il y a plein de trucs qui prouvent effectivement que ce qu'ils disent n'est pas vrai. Parce que, premièrement, les avions de ligne volent dans des couloirs. Or, quand on regarde un ciel qui est zébré de chemtrails, il est quadrillé. C'est-à-dire, les avions volent à angle droit. On n'a jamais vu ça non plus. Ensuite, y en a qui font demi-tour. Je ne sais pas combien de fois vous avez vu des avions qui revenaient à l'aéroport parce qu'ils avaient oublié un truc. Moi, j'ai passé une bonne partie de ma vie à voyager, j'ai jamais vu. Ensuite, les contrails, ceux qui disent être des traînées de condensation, ça ne peut se former que à moins de 40 degrés, avec un taux d'humidité de 70%, et si ce qu'ils disaient était vrai, et que ce soit des avions de ligne, depuis 2004, les avions de ligne sont obligés de voler au-dessus de 8000 mètres. Donc au-dessus de 8000 mètres, on les voit pas. Donc c'est quoi les grandes traînées blanches qu'on voit dans le ciel? En plus, il y a plein de photos qui prouvent qu'il y a des endroits où ils épandent. On voit l'avion qui a une trajectoire avec un petit contrail derrière, une petite traînée. Et ensuite, on voit vraiment quand délibérément, ils envoient quelque chose, c'est-à-dire qu'ils épandent. Et puis, quand ils ont fini d'épandre, la traînée redevient normale. Donc, il faut arrêter de nous dire que ce qu'on voit de nos yeux est faux. D'accord, Jean-Marie, tu veux ajouter quelque chose? Oui, comme Claire, moi, j'ai été interpellé par ce que je voyais dans le ciel. En fait, il y avait facilement 15 ans, j'ai commencé à m'interroger puisque... Il y a 15 ans, il n'y avait quasiment pas de... Il y avait des traînées, comme dit Claire, des traînées de condensation, c'est-à-dire c'est une traînée qui suit l'avion sur quelques centaines de mètres, mais qui s'efface au fur et à mesure. Et puis on a commencé à voir ces fameuses traînées qui, d'un bout à l'autre de l'horizon, traversent le ciel, restent dans le ciel et s'étalent pour finir par voler tout le ciel. Et ça m'a interrogé, j'avais lu quelques articles là-dessus, il y avait très peu de choses à l'époque. Et je me suis mis à observer vraiment à fond, j'ai pris mes jumelles, j'ai essayé de comprendre, en plus j'habitais à côté d'Orly, donc... En fait, j'ai vu qu'au départ, c'était vraiment des avions grimouettes, des avions militaires. C'était pas du tout des avions de ligne au tout début. Et en plus, à basse altitude. Et puis, de toute façon, c'est très simple. Vous observez bien le ciel et les avions. Vous voyez qu'il y a des avions qui font des traînées de condensation normales à la même altitude, ouais, l'un côté de l'autre. Et puis, à côté, vous en avez un qui va faire une traînée, mais qui va être dispersé sur des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres. Et ça, c'est incompréhensible. Ça ne peut pas être de la condensation. D'accord. Vous prenez une cocotte minute. Vous prenez une cocotte minute et regardez si une cocotte minute fait des panaches de fumée. Et en plus, les contrails n'ont jamais, jamais obscurci le ciel. Or là, quand ils font leurs épandages en quadrillage, au fur et à mesure qu'ils quadrillent, le ciel devient blanchâtre et ça fait un couvercle. Ça fait pas des nuages. D'accord, Xavier. Y a-t-il un rapport entre le développement des chemtrails et le développement des compagnies low cost à partir de la fin des années 90. Alors, il y a surtout un rapport entre le développement des countries et les pays qui sont à l'intérieur de l'OTAN. Et il y a aussi effectivement des compagnies, il y a des sites où on peut voir quels sont les avions qui volent au-dessus de nos têtes, à part qu'il y en a pas mal qui disparaissent des radars quand on veut regarder, mais il y a apparemment ce sont des avions militaires et aussi des avions low cost qui épandent. Voilà, ça c'est quelque chose qui n'est pas très clair dans mon esprit. Ce sont justement donc des avions militaires ou des avions civils qui... Il y a les deux. Il y a des témoignages de mécaniciens, etc., qui ont été témoins de gens qui sont venus les voir et qui ont demandé aux compagnies privées de dépendre parce qu'il n'y avait pas suffisamment d'avions militaires pour le faire sur le monde entier. Mais le fait que ce soit des avions civils supposerait une organisation vraiment très importante. Il faudrait mettre au courant les pilotes pour qu'ils actionnent, à mon avis. Non, pas du tout. Quand on lit les témoignages des mécaniciens, etc., c'est super bien organisé. C'est-à-dire que une partie des tuyaux qui évacuent les eaux usées, etc., qui sont détournés. C'est-à-dire au lieu que tous ces tuyaux normalement aillent dans l'enlèvement des eaux usées, il y en a qui sont branchés sur des réservoirs qui épandent. Et ils sont programmés pour épandre. Vous pouvez bien programmer une bombe pour qu'elle saute dans 2 jours ou dans 15 minutes. Donc là, c'est pareil. C'est programmé pour qu'à un moment donné du vol, ça épande. Et puis, il y a aussi des gens qui sont au courant. Enfin, je veux dire, il y a des pilotes et des mécaniciens qui sont au courant. Oui, vous donnez les témoignages dans votre livre, Xavier ? Oui, des témoignages de mécaniciens qui ont ensuite été menacés. Mais pourquoi, selon vous, les responsables gouvernementaux auraient-ils intérêt à opérer cette manœuvre et à la cacher des populations ? Bah, d'abord parce que si on disait aux populations « alors sortez aujourd'hui à 15h, on va vous épandre de l'aluminium sur la tronche », ça m'étonnerait que les gens vivent normalement s'ils savaient ça, premièrement. Et puis, il faut remonter assez loin. Tout ce qui se passe dans notre monde a été plus ou moins écrit par un monsieur qui s'appelle Zbigniew Brzezinski, qui a écrit « Le Grand Échiquier » et qui a écrit justement un bouquin qui s'appelle « Between Two Ages ». Qui est un petit bouquin de 180 pages qui est qu'un anglais qui n'a pas été traduit en français, mais il explique pourquoi. C'est-à-dire que, en fait, c'est pas. Les épandages, ce sont des choses dont ils ont besoin pour l'armée, apparemment. C'est tout l'objet de l'enquête, hein, de savoir pourquoi ils épandaient et pourquoi ils le cachaient aux populations. Mais en fait, c'est tout un. Enfin, ça sert à plein de trucs, les épandages. Alors, vous le citez, Zbigniew Brzezinski. Non seulement de nouvelles armes ont été développées, mais certains des concepts basiques de géographie et de stratégie ont été fondamentalement altérés. L'espace et le contrôle du climat ont remplacé Suez ou Gibraltar comme éléments clés de la stratégie. Oui, il faut savoir que Zbigniew Brzezinski, ce n'est pas un monsieur qui fait de la science-fiction. Hein. C'est un monsieur qui est l'éminence grise de tous les présidents américains, démocrates ou républicains, depuis Carter. Il a 87 ans, il est toujours conseiller d'Obama et c'est lui qui avait expliqué le 20-80 et la société dans laquelle on vit maintenant. Et en 70, il a écrit tout ce qu'il fallait. Il a écrit que le climat serait l'arme absolue de l'Amérique. Voilà. Alors Claire, ils épandent quoi exactement ? Alors ils épandent de l'aluminium, ils épandent du barium, ils épandent du strontium, ils épandent des bactéries. Enfin, aujourd'hui, là, je ne sais pas. Mais en fait, moi, quand je vivais aux États-Unis, je vivais en Californie et j'allais très souvent chez les Indiens Navajo. Leur territoire est derrière Vegas. Et j'entendais souvent les Indiens dire ils nous pulvérisent comme des cafards. Et je trouvais ça hallucinant et je ne m'en suis pas plus préoccupée qu'autre chose à l'époque. Mais en fait, ils épandent. Et donc après, il y a eu des documents déclassifiés. En 2002, je crois, ou 2004 aussi, de l'armée américaine. Et dans les documents déclassifiés, on trouve tout ce que disaient les gens. Par exemple, les gens de Vegas se plaignaient. Il y a eu un journaliste aussi qui s'appelle Will Thomas qui avait réuni plus de 1000 témoignages de gens du Maryland, de Corpus Christi, enfin de plein d'endroits sur les États-Unis, où les gens se plaignaient de voir des avions arriver, larguer et repartir. En fait, sur Vegas, c'est simple hein, parce que la plaine, elle doit faire 500 kilomètres. Donc, on voit vraiment l'avion, on voit quand il épand et on voit quand il repart. Et ces gens-là disaient d'ailleurs qu'ils n'épandaient que sur les zones habitées. Et c'est ça qu'ils trouvaient très bizarre. Et après, ils avaient mal à la tête, ils avaient des troubles de mémoire, les animaux mouraient. Donc, et on leur a dit à l'époque qu'ils étaient complètement tarés et qu'il fallait qu'ils aillent se faire soigner. Et dans les documents déclassifiés de l'armée de 2002, il y a tous les témoignages, enfin, il y a tous les documents officiels qui prouvent qu'effectivement, ils ont épandu dans ces endroits-là. Dont à Corpus Christi et au-dessus de Vegas pour faire des essais pour la guerre du Golfe. Ils ont épandu des bactéries pour savoir quel est le nombre de personnes qui allaient développer le cancer en dessous. Alors moi, justement, c'est ça dont je voulais vous parler. C'est-à-dire que je ne doute pas un seul instant qu'ils aient pu faire des expériences militaires dans des cas précis d'épandage. Mais par contre, là où j'ai plus de doutes, c'est quant à la généralisation de ces épandages sur la population mondiale. C'est sur ce saut quantitatif que je voulais vous interroger. Oui, mais alors parce qu'après, justement, après, ce qui s'est passé, c'est que on est passé à la géo-ingénierie vraiment installée. C'est-à-dire, alors ça, je ne sais pas si c'est parce que ça fait partie du plan de génocide dont on a tous entendu parler, ou si c'est parce que effectivement, ils ont déjà commencé à épandre depuis tellement de temps. Il y a les essais de guerre bactériologique, mais il y a aussi les épandages de strontium, de barium, qui eux sont faits pour couvrir. D'ailleurs, on le voit, ça fait un couvercle. Mais les particules de barium sont conductrices, donc ça permet aux ondes de ne pas avoir de trous. Ça leur permet de ne pas avoir de trous dans la couverture d'ondes entre HAARP, par exemple, qui est en Alaska, Pine Gap qui est en Nouvelle-Zélande, Munos qui est en Sicile, etc. Ça leur permet de garder leur couverture parce que justement l'armée s'est emparée de ce procédé pour pouvoir scanner la Terre, voir si être en relation avec les sous-marins, etc. D'accord, Jean-Marie. D'ailleurs, à ce sujet, je voudrais rebondir. Je ferai un petit retour en arrière. Je me rappelle la première guerre du Golfe, l'opération Tempête du Désert. Moi, j'étais adolescent. Et je me rappelle toujours au journal télévisé, on avait des journaux clairement dédiés aux opérations militaires sur place. Et un jour, ils ont diffusé une image satellite, c'était le Pentagone, du ciel irakien, totalement quadrillé, justement de Keltrim. À l'époque, on ne savait pas ce que c'était. Ils expliquaient bien, à l'époque, c'était une des rares fois où ils ont expliqué, que c'était une opération militaire de quadrillage et de sondage à travers des faisceaux d'ondes qui étaient reflétés par cet épandage, parce qu'en fait, cet épandage sert à former une espèce de miroir pour refléter les ondes vers le sol. Et en fait, ils utilisaient ça pour sonder le sol, pour chercher les fameux bunkers de Saddam Hussein. Et donc, c'était vraiment une des preuves pour moi, maintenant, après coup, qui m'a vraiment fait prendre conscience de ce qui est en train d'être balancé sur nos têtes plus tard. D'accord. Xavier ? Alors, Claire, vous avez employé le mot génocide, qui est un mot quand même fort et qui a peut-être fait sursauter quelques-uns de nos auditeurs. Alors en fait, vous faites référence au chemtrail qui serait pensé comme une solution à la surpopulation mondiale. Et alors, ce mot de génocide, vous l'empruntez pas n'importe qui, vous l'empruntez à Theodore Gunderson qui a dirigé le bureau du FBI à Los Angeles. Et vous le citez. Les épandages de la mort, appelés aussi chemtrail, ont été jetés, pulvérisés en Angleterre, en Écosse, en Irlande, en Europe du Nord. Je les ai vus non seulement aux États-Unis, mais aussi au Mexique et au Canada. Les oiseaux meurent partout dans le monde. Les poissons meurent par centaines de milliers. C'est un génocide, un empoisonnement. C'est un meurtre par les Nations Unies. Cet élément qui fait ça dans notre société doit être arrêté. Et il continue. Il dit connaître les endroits où sont les avions qui versent cette saloperie sur nous. Je cite. Quatre sont à la garde nationale aérienne de Lincoln, dans le Nebraska. Les autres viennent de Fort Skill, Oklahoma. C'est un crime contre l'humanité, contre l'Amérique, contre les citoyens. Oui. Voilà. Un génocide, vous dites. Non, j'ai dit que ça pouvait être un des outils du génocide, dans la mesure où ils peuvent épandre ce qu'ils veulent. Ils peuvent épandre, d'ailleurs, en Australie, ils ont épandu un vaccin pour vacciner la population avec une pulvérisation. Ils peuvent mettre ce qu'ils veulent dans les chemtrails puisqu'on est au courant de rien. Donc ça peut être une des formes. Mais aussi maintenant, ils commencent, pendant des années, ils ont tous nié la géo-ingénierie, enfin tous nié les épandages. Depuis quelque temps, ils commencent à dire que effectivement, oui, la géo-ingénierie, c'est important. et qu'il faudrait s'en servir pour sauver la planète. Alors, parce que maintenant, on est dans le deuxième mensonge, en fait. Le premier, c'était qu'il fallait absolument cultiver des OGM parce que la population, la Terre n'était pas capable de nourrir sa population, une population de 12 ou 15 milliards d'habitants. Maintenant, il faut absolument faire de la géo-ingénierie parce que la Terre n'est, parce qu'il y a le réchauffement climatique, voilà. Soi-disant, dû à la population, parce que vous remarquerez qu'il ne parle jamais de réchauffement climatique qui serait dû à l'armée ou à l'industrie. C'est toujours un réchauffement climatique anthropique, c'est-à-dire c'est notre faute. C'est parce qu'on respire, parce que les êtres humains respirent et envoient du CO2 et que les vaches pètent et qu'on a des voitures diesel. Mais par contre, quand on voit les chiffres, je les ai mis là, je m'en souviens pas, de l'armée américaine, juste de routine, hein, pas dans les... Juste les chiffres de routine, ils envoient 2,6 milliards de gallons, c'est-à-dire multipliés par 4 litres, de fuel par, dans l'atmosphère. Et je crois qu'en tout, par an, ça doit être 58 milliards de gallons de fuel. Est-ce que vous croyez franchement que ce sont nos petites voitures diesel et les vaches qui pètent ? D'accord, donc si on résume la situation, en réalité, pour vous, le réchauffement climatique, c'est en quelque sorte une excuse qui permet de nous faire culpabiliser, nous, citoyens, et donc d'accepter les épandages, c'est ça ? Alors, c'est un ensemble. C'est-à-dire que, oui, peut-être que, encore que je ne le crois pas, mais peut-être qu'il y a un certain réchauffement climatique, mais ce n'est pas dû à nous. Et c'est soit dû, enfin, en tout cas, c'est fait pour nous faire payer des taxes, etc. Mais c'est surtout fait pour cacher les agissements de l'armée. C'est que je crois vraiment que ceux qui épandent, ceux qui se servent de harpe, ceux qui envoient... des tas de saloperies dans la Terre et qui trouent l'ionosphère et qui donc créent le réchauffement climatique, c'est l'armée. Et donc il faut bien qu'ils cachent ce truc parce que les gens, enfin, ça encore, c'est un truc à Disbinu, il y a dans le même bouquin, il disait que maintenant, il fallait pas avoir à dealer avec les peurs et l'image populaire quand il y avait une guerre. C'est-à-dire, pour eux, c'est un problème de dealer avec des populations qui voient les images maintenant à la télé d'enfants coupés en morceaux, etc. On voit bien d'ailleurs comment ils savent s'en servir quand ça les arrange. Et donc, il dit que maintenant, il disait en 70 qu'il fallait faire des guerres propres, c'est-à-dire des guerres où les populations ne seraient absolument pas au courant. D'accord. Et c'est-à-dire, c'est ce qu'ils font. Et dans ce cadre-là, vous parlez dans votre livre du rôle des ONG. Et de certains politiciens, notamment Al Gore, vous démystifiez en quelque sorte. Oh, Al Gore, c'est... Alors, enfin, franchement, j'ai voulu regarder comme ça en passant, parce que je suis naturel curieux, mais je ne m'attendais pas à ce que ce soit ça. Al Gore, c'est absolument... l'esprit tordu à l'état pur, quoi. C'est-à-dire que lui, il a trouvé un truc géant. C'est d'abord, il s'est tellement enrichi avec ses conférences sur son film, là, qui est à moitié pas vrai... et qui raconte plein de trucs. Je ne sais plus comment ça s'appelle, son bouquin. Son film. Ouais. Enfin, bref, le film qu'il a fait sur le réchauffement climatique. Et en fait, quand on regarde, c'est vraiment faites ce que je dis, pas faites ce que je fais. Quoi. Déjà, il est passé de 1 million... Quand il a quitté le gouvernement américain, il avait 1 million d'actifs à lui. 5 ou 6 ans après, il investissait 35 millions dans une entreprise avec l'ex-patron de Skype, etc., pour créer une bourse carbone. C'est-à-dire que pendant qu'ils nous disent à nous qu'il ne faut pas respirer, que les vaches ne doivent pas péter, qu'il ne faut pas qu'on ait nos petites voitures, eux, ils se sont fait une bourse, c'est-à-dire qu'ils partent du principe, Al Gore est parti du principe que si le gouvernement, ça s'appelle cap and trade, plafonner et dealer. C'est-à-dire que si le gouvernement plafonne les émissions de CO2, plus ça va aller, plus le CO2 va coûter cher, puisqu'il va devenir rare. Comme tous les trucs rares, ça devient plus cher. Et donc, il a créé une bourse qui fait que les compagnies, par exemple, selon leur volant d'industrie, ont droit à 2 tonnes de CO2, 4 tonnes de CO2, etc. S'ils produisent plus... Il faut qu'ils achètent des bons carbone. S'ils produisent moins, ils peuvent revendre les bons carbone. Mais si c'est une denrée qui est rare, elle coûte de plus en plus cher. Et Al Gore est un des actionnaires mondiaux, parce que ça s'est étendu sur la France et sur les autres pays, de cette bourse au carbone. C'est un marché de l'écologie, en quelque sorte. Ou une écologie de marché avec notamment... Moi, je ne vois pas où est l'écologie là-dedans, mais... C'est un marché du droit à polluer, quoi. C'est-à-dire voilà. Un marché, mais c'est-à-dire que plus on est riche, plus on peut s'acheter des bons pour polluer, plus on peut polluer. Et en plus, ça ouvre autre chose. C'est-à-dire que quand on voit comment font Al Gore, Bill Gates, etc., c'est-à-dire qu'avec leurs bons carbone qu'ils achètent parce qu'ils ont pollué un peu trop, ils disent qu'ils vont aller planter des arbres en Afrique, c'est-à-dire qu'ils leur amènent surtout des OGM, des fois qui pourraient plomber à notre pays en passant. D'ailleurs, c'est un sujet très intéressant que vous abordez dans votre livre, c'est les intérêts de Monsanto aux épandages, puisque vous dites qu'en réalité, ces épandages permettent, en quelque sorte, si je vous ai bien suivi, de fertiliser les sols et donc de nous obliger à planter des semences. Alors, en fait, moi, j'ai commencé mon enquête le jour où je regardais le ciel. Je trouvais ça très inquiétant, mais je voyais pas par quel bout le prendre. Et un jour, j'ai eu la preuve en main d'un brevet de Monsanto Monsanto a déposé en 2009 des tonnes de brevets sur les plantes résistantes à l'aluminium. Et je me suis dit, en fait, il y a un truc qui est assez facile avec ces gens-là, c'est qu'ils refont toujours le même plan. Donc, une fois qu'on a compris un truc, et Monsanto, en fait, ils nous font rebelote sur ce qu'ils ont fait avec les plantes résistantes au Roundup. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si on épand du Roundup dans son jardin, tout meurt à côté, sauf la plante qui est résistante au Roundup. Et là, ils ont déposé des tas de brevets pour des plantes qui résistaient à l'aluminium. Donc, c'est très facile. Enfin, moi, mon raisonnement était de me dire pourquoi résistante à l'aluminium. Pourquoi pas à l'eau des viandes ou au bicarbonate de soude. C'est qu'il y a une raison. Et en fait, la raison, c'est qu'ils savent très bien que s'ils continuent d'épandre de l'aluminium à tout va, les seules plantes qui vont pousser sont les plantes qui vont résister à l'aluminium. Avant d'aborder les conséquences des chemtrails sur notre santé, je voulais aborder un aspect de votre livre, c'est une espèce de galerie de portraits aussi de savants fous qui sont à l'origine de ces inventions. Vous citez notamment David Case ou encore John Aldrin. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur... David Case, j'invite tout le monde à aller le voir. Il faut voir les vidéos de David Keefe, il est complètement hystérique. Sorcier par excellence. Ouais. Mais lui, alors on me demande souvent dans les conférences, oui mais eux ils sont aussi en dessous, ils en reçoivent sur la tête. Mais je pense que ces gens-là sont vraiment convaincus que c'est l'avancée. D'abord ils sont pour le transhumanisme, ils sont pour détruire toute l'humanité et pour devenir les créateurs d'une autre humanité. Et donc David Keefe, il est complètement possédé par son truc et il pense que le monde sera sauvé. Si on envoie sur la planète, je crois qu'il parle de 20 000 tonnes de sulfure de dioxyde de sulfure tous les je sais pas combien, enfin tous les ans sur l'humanité. Et le problème avec ça, c'est que maintenant on commence à en connaître un peu plus sur la géo-ingénierie et qu'en fait, quand on d'ailleurs, je suis un peu brouillon, mais le sujet est tellement comme ça. D'ailleurs, la géo-ingénierie vient du brevet Welbach. Et c'est décrit dans le brevet Welbach que si on commence à épandre, il faudra épandre de plus en plus à perpétuité. Mais David Keefe, moi, ça m'inquiète. Mais lui, il trouve ça géant, quoi. Et il dit, on n'aura plus à se soucier du CO2. Quel pied ! Juste une petite définition. Géo-ingénierie, c'est la manipulation délibérée et à grande échelle de l'environnement et de la Terre. Ouais. Du climat. C'est ça. Il y a plusieurs façons. Il y a dans l'air, dans les mers. Enfin, je veux dire, ils peuvent faire beaucoup de choses. On a parlé de ces scientifiques pour lesquels nous sommes des cobayes et il y a des conséquences absolument dramatiques sur la santé, notamment avec la maladie des morgellons dont vous parlez beaucoup dans votre livre et qui est une maladie relativement inconnue en France et qui, pourtant, aux États-Unis, fait beaucoup parler d'elle. Ouais, parce qu'en France, on est les champions de ça n'existe pas. Donc, c'est comme les gens qui ont des effets secondaires des vaccins. Aux États-Unis, il y a le VAERS qui répertorie tous les gens. Ici, quand on a... Enfin, les petites victimes que j'ai connues, par exemple, de certains vaccins, quand les parents appelaient l'AFSAPS, on leur disait « Non, mais il n'y a pas de relation de cause à effet, donc on ne peut pas prendre la plainte. » Donc forcément, si on ne prend jamais les plaintes, il n'y a jamais de preuve. Est-ce que vous pouvez nous décrire les symptômes de cette maladie? Alors, la maladie des morgellons qui serait causée par les chemtrails. Les morgellons sont des gens qui ont des espèces d'ulcères qui s'ouvrent sur leur corps, par lesquels s'échappent des fibres de polymère qui poussent. Il y en a de plusieurs couleurs. Et ce sont en fait... c'est du polymère et aussi ça a été identifié comme du cellulose ou de la cellulose, on dit le ou la. Et Et il y a des savants, dont le docteur Hildegard Staninger, qui ont fait beaucoup d'études dessus et qui les ont comparés aux bases de textiles, par exemple, du FBI. Il y a 900 textiles sur leur base. Ces fils-là ne ressemblent à rien. N'ont pas de... On recommande aux auditeurs d'aller regarder, de taper le nom de cette maladie sur Internet. Alors, vous dites dans votre livre qu'il y a 100 000 cas dans le monde, qu'il y aurait 100 000 cas dans le monde de cette maladie. Alors moi, j'ai deux questions à vous poser. La première, c'est comment êtes-vous certaine qu'il y a un lien de cause à effet entre les épandages et les cas de maladie de Morgelon ? Et la deuxième question qui vient, c'est s'il y avait ce lien de cause à effet, pensez-vous pas qu'il y aurait plus de cas, puisque si c'est un épandage mondial, 100 000, c'est peu quand même à l'échelle de l'humanité. Ouais, alors déjà, il y a des cas, il y a des gens qui ne savent pas ce qu'ils ont, premièrement. Ce que dit le docteur Staninger et le groupe de savants qui travaillent avec elle, c'est qu'on serait tous porteurs, tous infectés, parce qu'en fait, ce serait l'exposition aux nanoparticules que contiennent les chemtrails avec lesquels on serait infectés. Mais nous, enfin, les trois quarts de la population seraient porteurs, point. Et il y en a qui déclenchent une allergie à ces fibres-là. Et donc, ça ne veut pas dire, parce qu'on n'a pas des trous dans le corps, qu'on n'est pas porteur des fils de polymère. Pourquoi il y a une relation de cause à effet ? Parce que quand ils ont fait des biopsies de gens, et quand ils font des biopsies de gens qui ont les Morgelons et des analyses de résidus de chemtrail, quand les gens font des résidus, ils s'aperçoivent que ça contient les mêmes ingrédients, savoir des nanoparticules, dont il faut parler tout à l'heure parce que c'est vraiment grave, et aussi l'agrobactérium, enfin plein de trucs qui sont communs. D'accord. Chers auditeurs, nous reprendrons cette discussion passionnante juste après une pause musicale. Nous allons écouter un titre tiré de l'album Bande originale La Mota. Le morceau s'appelle Ballade sicilienne. On se retrouve juste après. Thank you. Chers auditeurs, vous êtes à l'écoute de ERFM, l'heure la plus sombre. Nous sommes toujours avec notre invitée de la semaine, Claire Sévrac, pour parler de son livre « La guerre secrète contre les peuples » édité aux éditions Contre-Culture. Xavier. Oui, Claire, dans votre livre, vous revenez beaucoup sur la question du réchauffement climatique qui est utilisé à échelle mondiale par les gouvernements et les médias pour accréditer l'idée que le cadre de l'État-nation est dépassé et qu'à solution globale, à problème global, solution globale, un argumentaire qui sert la marche en avant vers ce que d'aucuns appellent le nouvel ordre mondial. Alors, d'ailleurs, on va citer à ce propos le conseiller économique du Premier ministre australien Tony Abbott, donc, que vous citez dans votre livre, et qui déclarait en mai dernier « Le réchauffement climatique était une invention des Nations Unies pour créer un nouvel ordre mondial autoritaire sous son contrôle. Il s'oppose au capitalisme et à la liberté et a fait du catastrophisme environnemental un sujet quotidien pour parvenir à ses fins. » Oui, parce que, enfin, je suis assez de son avis, parce que quand on étudie un peu le problème, on se rend compte que si réchauffement il y a, il serait dû à l'activité solaire et pas du tout au taux de carbone, puisque le carbone, c'est 0,05% de l'atmosphère. Mais quand on reprend justement les écrits de Zbigniew, etc., il dit bien que la modification climatique et agir sur le climat, c'est l'arme absolue du nouvel ordre mondial. C'est-à-dire que ça sert pour les guerres climatiques, pour les guerres... Et dans la guerre climatique, il y a les guerres économiques. C'est-à-dire, par exemple, si les vins de Bordeaux font de l'ombre à des vins de Californie, je prends un exemple tout bête, hein, c'est pas forcément... et qu'ils veulent, par exemple, être cotés en bourse, il suffit de faire un orage de grêle sur les vignes et il n'y a plus de problème. Donc ça, c'est la guerre climatique, mais économique. Et Zbigniew dit bien aussi qu'il y a une guerre qui serait militaire, c'est-à-dire que ça permet, il le dit, il y a la phrase exacte, que ça permet au gouvernement de faire, enfin, au nouvel ordre mondial, et de faire du chantage et de la pression sur les gouvernements qui ne voudraient pas obéir à quelque chose. C'est-à-dire, si on vous déclenche une petite tempête qui met la moitié du pays à genoux, il est évident que le gouvernement est beaucoup plus docile après. D'ailleurs, certains États ont accusé les États-Unis de leur avoir d'avoir fait des opérations de changement climatique au sud de leur pays pour modifier le climat. Je crois que c'est des pays d'Amérique du Sud. Je crois qu'il y a eu le Chili à un moment donné, ou je ne sais plus quel pays. Oui, il y en a plein. Il y en a plein. Et puis même, on voit quand on regarde chronologiquement, on s'aperçoit par exemple quand la Chine a refusé de faire partie de la coalition contre la Corée, ils ont eu un tremblement de terre assez important. Il y a eu l'histoire de Haïti, où Chavez l'a dit haut et fort, mais je pense qu'il avait raison, parce que je me souviens des images, moi, quand il y a eu le tremblement à Haïti, il y avait des milliers de personnes dans les rues qui n'avaient rien à manger, qui n'avaient pas d'abri, etc. On leur a envoyé des porte-avions. Xavier, vous abordez justement cette guerre climatique, vous citez également la tempête de décembre 1999. Vous citez également des événements climatiques qui se sont situés au moment où l'Allemagne et la France refusaient de partir en guerre en Irak. Alors, vous inscrivez tous ces événements dans le projet ARP. Est-ce que vous pouvez expliquer aux auditeurs qui ne seraient pas informés concrètement ce qu'est le projet ARP, quand il a été créé, dans quel but, où se situe-t-il ? Alors, en fait, c'est complémentaire. C'est-à-dire que la technique qui fait que tout ça est possible, c'est qui crée le lien entre tout ça, c'est ARP. C'est-à-dire, ARP, ce sont des antennes immenses qui sont en Alaska, mais il y a plusieurs ARP. Celui qui est le plus connu, c'est celui qui est à Gakona, en Alaska. Donc, le principe, tel qu'ils le décrivent, c'est d'envoyer de bombarder l'ionosphère d'ondes haute fréquence, et après ça crée comme une espèce de bouclier au-dessus et ça... Des basses fréquences, je crois. Non, et ça redescend en basse fréquence sur nous. D'accord. C'est-à-dire ça redescend en micro-ondes sur nous, ce qui est absolument très très mauvais pour notre santé, évidemment, mais c'est ce qui leur permet d'avoir cette espèce de couverture. Les épandages leur permettent d'avoir une couverture entre ARP entre les autres systèmes autour du monde et de ne pas avoir de trous, quoi, en fait. Ce qui permettrait aux États-Unis d'exercer une guerre climatique contre les autres nations. Voilà. Mais enfin, il n'y a pas que les États-Unis. Les Russes sont aussi très avancés là-dessus. Et je pense que effectivement. Alors, est-ce que nos gouvernements sont totalement au courant ou est-ce qu'ils veulent pas se poser de questions comme dans plein d'autres sujets, quoi. J'ai souvenir qu'il y a eu un débat là-dessus il y a quelques années au Parlement européen. Oui. Il y a une députée qui a porté la chose en débat au Parlement, puisqu'elle voulait justement, elle s'inquiétait de l'utilisation du système ARP et de certains épandages, justement, pour contrôler le climat. Elle voulait justement imposer un moratoire en Europe sur l'utilisation d'armes climatiques. Ouais. Et c'était très sérieux, hein, c'était très. Oui, oui, non, mais il y a eu un truc du Parlement européen en 98 ou 99 où ils ont sommé, je ne sais pas combien de temps, les États-Unis de répondre parce que ils pensaient que ARP était extrêmement dangereux. Non seulement les États-Unis n'ont jamais répondu, mais le député, il y avait un député anglais et une femme aussi, effectivement. Et le député anglais, ils ont réglé son problème. Il a été pris dans un aéroport. Dans l'aéroport de Londres avec des cassettes porno et je sais plus quoi, et du cannabis. Donc vous parlez également de la disparition des ingénieurs lors du crash du MH370 dans votre livre. Oui. Donc c'est-à-dire tout ça, et effectivement, il y a aucune. Je veux dire, ce sont des coïncidences qui sont vachement troublantes parce que, comme on dit d'ailleurs dans l'armée américaine, une fois c'est un hasard, deux fois c'est une coïncidence, trois fois c'est un complot. Et l'avion qui a disparu, le premier avion qui est tombé, là, il y avait. Les cinq ou six savants qui étaient les spécialistes du sida. Le deuxième, c'était des ingénieurs qui appartenaient à une société qui s'appelait Freescale, qui s'appelle Freescale, et qui avait un brevet, qui se partageait un brevet d'une des dernières puces RFID. Et en fait, le brevet a été déposé par par quatre ingénieurs. Et Freescale, chacun ayant un cinquième du brevet. Et il était bien mis dans le brevet que s'il y en avait un qui disparaissait, les droits et les royalties n'allaient pas à leur famille, mais aux autres survivants du brevet. Et en fait, là, dans l'avion, il y avait les quatre personnes qui étaient titulaires du brevet. Donc les quatre sont mortes, et ce qui fait qu'il ne reste plus que Freescale qui est propriétaire du brevet. Et quel est, selon vous, le lien entre les chemtrails et le projet ARP? Eh ben, c'est ce que j'ai pas été très claire, probablement. C'est le fait que le projet ARP, ça permet d'épandre, par exemple, le projet ARP va épandre du barium, ce qui fait que les ondes qui sont émises par ARP sont reflétées et sont conduites. Comme le barium est conducteur, ça fait le tour du monde. Voilà. D'accord, mais alors là, il y a quelque chose qui n'est pas clair, parce que les épandages, c'est pour propager une matière sur la Terre. On est d'accord, sur nous. Oui, ou par exemple, quand c'est un épandage de barium, c'est pas pour nous, c'est pour que les ondes soient... qu'il n'y ait pas de trous dans la couverture. En fait, voilà, il y aurait plusieurs utilités, en fait. Oui. D'accord. Il y a une utilité militaire, mais il y a aussi une utilité d'ingénierie du climat, mais il y a aussi une utilité aussi pour certains projets sombres, on va dire, d'empoisonnement, ou alors pour toucher, on va dire, les populations sur divers plans. D'ailleurs, dans votre livre, vous parlez aussi d'ailleurs, l'aluminium a une incidence au niveau des neurones. Ça crée le terme exact, c'est une pollution, un empoisonnement au niveau L'aluminium, on le sait, ça migre au cerveau, mais ça rend les gens aussi. Ça permet d'avoir. Je ne sais plus quel est le terme exact. Ça permet que les gens n'aient plus une connexion vraiment facile. Enfin, je veux dire, entre les divers cognitif, trucs en du fait, cerveau. Il y a une distorsion, voilà. Que ça crée une distorsion cognitive. Exactement. Oui, c'est le rangé empathique. Oui, ça empêche que le cerveau fasse des connexions entre les différents endroits du cerveau. Donc, d'avoir une perspective... entière et intelligente de ce qui se passe. C'est donc comme ça que vous expliquez le fait que les gens ne réagissent pas aux réformes gouvernementales. Non, franchement, à je l'explique pas, médiatique. Mais ça n'est une explication. Mais je veux dire, je trouve que les gens sont très apathiques par rapport à ce qui se passe, quoi. Parce qu'il y a beaucoup de les gens qui ont fait des analyses, par exemple Axé Pica où il y a un monsieur qui s'appelle Dane Wigington aux États-Unis, qui a un site qui s'appelle geoengineeringwatch.org. Toutes les analyses de sang que ces gens ont faites ou de terrain prouvent qu'il y a un taux d'aluminium sur la Terre qui est absolument faramineux. Dire, lui, Dane Wigington, il habite au Mount Shasta en Californie, qui est vraiment un des endroits les plus purs de la planète, je ne sais pas combien de kilomètres de la première industrie et tout. Il a un taux d'aluminium chez lui qui est de 63 000 fois plus important que ce qui est normalement autorisé par les autorités ou dit par les autorités comme non dangereux. Oui, donc ces épandages de barium, d'aluminium et de strontium, donc on les retrouve dans le sol. Et il y a des associations françaises justement qui s'inquiètent contre ces épandages, qui ont fait des analyses sanguines. D'ailleurs, les médecins qui ont reçu ces analyses ont été totalement horrifiés. Ils ont envoyé directement au centre antipoison parce qu'ils ne comprenaient pas pourquoi ces gens avaient un taux de strontium, de barium et d'aluminium. C'est ce qui est impossible en temps normal d'avoir ce genre de taux dans le sang. Et en fait, toutes les personnes qui font ces recherches, parce que c'est des recherches spécifiques, il faut vraiment le demander pour faire ces recherches-là au niveau des prélèvements sanguins, ont ces taux totalement hallucinants qui sont multipliés par 1000, voire pour certains 10 000 fois la dose acceptée officiellement par les autorités. Et on se retrouve aussi dans les analyses de l'eau, de certaines rivières, de lacs. De l'eau, de l'air. Concernant l'eau, vous parlez dans votre livre d'un point qui est très intéressant, qui est le fluor. Vous dites que le fluor a des effets dévastateurs sur la santé, notamment une perte du sens critique et de la mémoire. Est-ce que, selon vous, en France, il y a un programme de fluoration de l'eau ? Je pense, oui, mais il y en a aussi. Enfin, je veux dire, ça fait des années qu'on nous dit que le fluor est bon, que tous les dentifrices contiennent du fluor, etc. quoi. Donc, c'est pas anodin non plus. Alors, évidemment, je veux dire, c'est juste que ce qui m'interpelle, c'est que au lieu de se servir des progrès de la science, etc., pour faire des choses qui sont bien pour l'humanité, quel que soit le domaine dans lequel ils se servent d'une nouveauté, c'est pour nous plomber d'une façon ou d'une autre. Donc, c'est quand même bizarre, non ? Vous parlez également des ondes Wi-Fi, Wi-Fi. Ah oui. Et donc, parce que ça, il y en a vraiment partout et ça se généralise. Et vous dites que ça a des effets très néfastes. Moi, j'ai regardé. Vous relayez des gens qui disent. J'ai regardé pendant 2-3 ans vraiment tout ce qui se disait sur le sujet. Il y a des gens comme Barry Trower, qui est un ancien. C'est un mec qui était spécialiste des ondes pour l'armée anglaise. Des radars, qui après a fait partie de la CIA pendant des années et a travaillé sur tous les trucs de la CIA, sur quand il trouvait des ondes dans l'ambassade américaine en Russie, etc. Qui a travaillé sur le sujet. C'est un des spécialistes mondiaux du Wi-Fi et des micro-ondes, qui compare carrément le Wi-Fi à la thalidomide, qui dit que n'importe qui installe une antenne et le Wi-Fi dans une école n'est pas digne de marcher sur cette planète parce que ça crée des problèmes énormes. Et vous donnez aussi l'exemple des grands responsables de la Silicon Valley, des grands responsables dont Steve Jobs, etc. Oui, y a mettent leurs enfants dans des écoles sans tablette, sans ordinateur, sans Wi-Fi et qu'ils le proscrivent absolument au sein de leur propre foyer. Oui. C'est un exemple extrêmement frappant. Oui, surtout moi quand j'ai... Enfin, en plus, c'est une enquête du New York Times. Ce n'est pas une enquête de... à moins que tout le monde soit conspirationniste. Mais je veux dire, c'est une enquête où ils sont allés interroger tous les gens de la Silicon Valley, enfin tous les patrons de la Silicon Valley, et dont Steve Jobs, à qui la journaliste, pour être sympa, lui a dit, mais alors votre fils, il doit être super content avec le dernier iPad. Il l'a regardé, il a dit, mon fils, il n'en a pas. Pauvre innocente. Très étonnant. Et donc, vous parlez également, par rapport à toutes ces micro-ondes, vous dites qu'elles auraient la capacité de modifier la structure de l'ADN, et notamment des femmes. Oui, donc alors, là on arrive femmes, à un sujet quand même plus conséquent. Les femmes, c'est quand on voit les effets sur la santé. C'est-à-dire que c'est Barry Trower, justement, qui explique que quand une femme est enceinte, par exemple, dans les 100 premiers jours, donc même quand elle ne sait pas encore qu'elle est enceinte, c'est la période où se forme dans le corps le capital d'ovocytes, c'est-à-dire les 400 000 ovocytes, qui vont faire le patrimoine génétique du bébé femelle si elle est enceinte d'une fille. Et si elle s'amuse avec une tablette pendant des heures ou un téléphone portable qui émet des micro-ondes, ça irradie ce capital génétique. C'est-à-dire que ce qui fait qu'après, elles peuvent devenir stériles ou être plus ou moins stériles. Alors justement, c'est là où on voit quand même qu'il y a un plan qui n'est pas très gentil pour nous. C'est que d'un côté, ils rendent les hommes stériles avec on le sait, les taux de spermatozoïdes sont un tiers de moins maintenant fertiles qu'il y a quelques années. Ça, on l'a attribué aux pesticides, etc. Si maintenant les femmes ont leurs ovocytes irradiés, je veux dire, il y a quand même une convergence vers le fait qu'on essaye de rendre une grande partie de la population stérile. Et surtout quand on sait que des gens comme Bill Gates et beaucoup de milliardaires se réunissent, je crois, régulièrement pour, dans des billionaire clubs. Oui, billionaire clubs, pour parler de la surpopulation et de la nécessité de la dépopulation. Ouais. Ça, c'est officiel. Ouais. Mais si je me fais l'avocat du diable, si j'étais un grand dirigeant, je me dirais, mais le problème, le principal problème actuel auquel on va devoir faire face, c'est cette surpopulation, c'est cette 7 milliards d'individus qui vont devenir 9. Comment on va pouvoir nourrir ces gens-là? Alors, si on se fait l'avocat du diable, on se dit, heureusement qu'ils se posent ces questions. Oui, alors, sauf que les OGM, ils nous les ont déjà vendus parce que, soi-disant, il fallait nourrir la planète. Maintenant, on a un certain recul de 20 ou 25 ans sur les OGM. On se rend compte que partout où il y a eu des OGM, les gens crèvent encore plus de faim qu'avant. Que enfin, ça booste un petit peu un certain nombre de cultures pendant un an ou deux. Mais après, les gens n'ont même plus pour se nourrir les cultures vivrières. Parce qu'on a éradiqué leur culture vivrière pour mettre des OGM. Et maintenant, ils se retrouvent de plus en plus affamés. Donc, c'était déjà un énorme mensonge de nous dire que les OGM étaient faits pour nourrir la planète. En fait, il y a des études de Ziegler, etc., qui prouvent que la Terre pourrait absolument nourrir 15 milliards de personnes si l'agriculture était restée normale. C'est la fin dans le monde, c'est un problème. Il faut lire. J'invite tout le monde à lire les articles de Dominique Guillet. Dominique Guillet, c'est le président fondateur de Cocopelli. Cocopelli étant un des rares résistants qui garde les semences biologiques anciennes et qui a écrit un truc qui s'appelle les Carbocubéni et un autre ouvrage qui s'appelle Carbone, mon amour, où il explique que la Terre a un pouvoir de résilience absolument incroyable, mais par le carbone, et que sans carbone, c'est la mort. Hmm. Et qu'est-ce que vous dites à ceux qui vous disent, après tout, on n'a jamais vécu aussi longtemps? C'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est juste un dogme. Il faut arrêter de croire ce qu'on nous dit, ça n'est pas vrai. Quand on regarde les courbes, tous les gens qui sont nés jusqu'en 1938 ont une espérance de vie plus grande. Tous les autres, c'est pas vrai. Prenez votre dictionnaire. Bon, c'est vrai que dans les dictionnaires, il y a que les gens connus. Mais quand vous regardez dans votre dictionnaire, mais il y a 50 ans, 100 ans, il y avait des gens qui vivaient aussi vieux que maintenant. Et alors moi, j'ai une question à vous poser, Claire. Vous dites, bon, il y a une guerre secrète qui est menée contre les peuples par différents canaux. Mais moi, ce que j'ai envie de vous dire, cette guerre, cette guerre n'a pas besoin d'être secrète. Cette guerre est ouverte. Par exemple, pour le mind control, ils ont la télévision. Pour la santé, ils ont la malbouffe. Ils ont le système de consommation effréné. Ils ont même les guerres. Ils organisent des guerres régulièrement. Je veux dire, pourquoi auraient-ils besoin d'envoyer des avions dans l'atmosphère, nous pulvériser d'ondes et de produits chimiques, alors qu'en réalité, cette guerre, ils l'amènent ouvertement contre nous? Il l'amène ouvertement parce que vous faites partie des gens qui sont un peu au courant, mais allez voir les gens qui sortent des grandes surfaces avec leur caddie et essayez de leur expliquer que ce qu'il y a dans leur caddie, il y a du glutamate, il y a de l'aspartame, il n'y a que des trucs cancérigènes. Je veux dire, non, les gens ne sont pas au courant. Moi, je rencontre plein de gens dans les conférences qui pensent que si c'était mauvais, on le dirait à la télé. Ouais, effectivement. Ouais. Mais il y a quand même une volonté parce que de nous cacher les choses. Parce que, par exemple, il y a un traité qui s'appelle ENMOD, qui veut dire Environmental Modification Convention de modification de l'environnement. Il y a aussi un traité de non-prolifération des armes chimiques. Quand on lit les traités en entier, il y a effectivement écrit partout qu'il est interdit de se servir d'armes chimiques sur ses ennemis, qu'il est interdit de faire des modifications climatiques sur ses ennemis. Mais quand on lit jusqu'au bout le traité, il y a toujours un endroit où il y a marqué que, par contre, c'est autorisé sur les populations civiles à but pacifique, à but de test pour nous protéger. C'est-à-dire, ils ont le droit de faire des tests sur nous pour le cas où un jour, un terroriste viendrait et pendrait telle bactérie sur nous. Ils font les tests avant pour savoir. Ça, c'est leur explication, hein. C'est-à-dire que pour nous protéger d'un truc qui est hypothétique et qui pourrait se passer ou ne pas se passer, ils nous balancent les substances dessus maintenant pour savoir quel est le pourcentage qui va être affecté. Oui. D'ailleurs, pour rebondir sur ce que vous dites, il y a récemment sur France 3 un documentaire très intéressant qui est diffusé, qui faisait vraiment de la réinformation, pour le coup, ce qui est assez rare au service public. Et c'était l'affaire de Pont-Saint-Esprit, ce petit village de France qui, à l'été 1551, s'est vu voir sa population avoir une épidémie de cas de démence, de folie. Je crois qu'il y a eu cinq morts. Oui. Et on a attribué ça à diverses choses, la farine, ouais. Voilà. Et en fait, il y a récemment un enquêteur américain qui a ressorti des documents déclassifiés de la CIA. Et d'ailleurs, il parlait de tout ce dont je parlais tout à l'heure, sur Pont Saint-Esprit, mais aussi... Voilà. Et en fait, il serait maintenant quasiment certain qu'en fait, c'était un test à grandeur réelle sur une population civile en France de la CIA. Et ce serait du LSD qui aurait été sciemment introduit dans l'eau potable, enfin dans l'eau de distribution courante. Et dans ce documentaire, ensuite, pour accréditer cette thèse, il sortait des documents déclassifiés de la CIA et du gouvernement américain sur des épandages et des tests à l'échelle réelle sur la population américaine. Ouais, c'est par là qu'on a commencé. Il y en avait une bonne douzaine, c'était incroyable. Mais il y en a des centaines. Sur des villes américaines, des épandages, même des radiations. Ils ont irradié les populations sans leur consentement. Ils ont balancé des bacilles, des bactéries. Ils ont fait tout un tas de tests pendant de nombreuses années. Tous ces documents existent, sont déclassifiés, ces documents officiels, et ces journalistes en faisaient part. Donc aujourd'hui, penser que tout ceci s'est arrêté et qu'on serait arrivé avec des militaires et des gouvernements raisonnables, je pense que c'est vraiment faire preuve de naïveté. Je précise juste aux auditeurs que ce documentaire est disponible sur le site d'Égalité et Réconciliation. Hein, l'article est intitulé « De Pont à Esprit à MK Ultra, les expérimentations de la CIA ». Oui. Référence. Oui, non, je ne vois pas pourquoi ils nous auraient caché la vérité à l'époque et pourquoi ils nous diraient la vérité maintenant. C'est juste, puis c'est tout un, c'est vraiment comme dans la santé, les médicaments, etc. Je veux dire, ce qui fait foi, par exemple, pour le réchauffement climatique, où on nous dit maintenant pour le COP21, là, en fin novembre, on nous explique que ce sont les meilleurs savants du monde, etc. Derrière, il y a le GIEC, qui est français, enfin, qui est la branche française d'un organisme qui s'appelle IPCC. Aux États-Unis, et qui est une... Alors, on nous dit, c'est 2000 savants qui sont absolument intègres, etc. Alors, déjà, sur les 2000, il y en a 20 à peu près qui sont climatologues. Ces gens-là sont... il faut arrêter de croire que ces gens-là sont des indépendants. Ce sont des gens qui font partie de l'ONU, enfin, qui sont nommés par l'ONU et par les politiques. Donc, ils sont là pour faire avancer. D'ailleurs, il y a un truc qui est très drôle, parce que sur le dernier rapport du GIEC, le rapport 5 du GIEC, dans le... Je crois que c'est le paragraphe... Enfin, la 4.7... Il y a marqué que, alors ils nient les épandages en bloc, ils disent que les épandages sont une solution, un plan B dont ils se serviraient éventuellement si un jour on est dans une situation désespérée. C'est intéressant, c'est-à-dire que c'est dans les cartons déjà. Voilà, mais dans le paragraphe 4.7, allez le voir, il y a marqué noir sur blanc qu'il ne faut surtout pas arrêter les épandages de produits parce que ça augmenterait le réchauffement solaire. Ça augmenterait le réchauffement de la planète. Donc moi, je suis bête et si on me dit on peut pas arrêter, ça veut dire qu'on a commencé, non ? Et vous nous dites également que le protocole de Kyoto et ce marronnier qu'on nous resserre tous les ans jusqu'à, vous l'avez cité, la COP21, c'est de l'esbrouf. Ben oui, parce que à partir du moment où dans ces commissions-là, les gens qui tiennent les ficelles sont les gens qui sont les plus gros industriels, les plus gros pollueurs de la planète, qui se font les produits, les bons carbone, et que c'est eux qui financent les campagnes électorales, je vois pas comment, si vraiment ils avaient voulu trouver la solution, ils l'auraient trouvé il y a longtemps. Depuis le protocole de Kyoto, il y a un COP21 tous les ans. Il y en a eu un à Berlin, il y en a eu un au Mexique, il y en a un tous les ans. Et alors, quand notre président vient nous dire qu'il espère vraiment arriver à un accord, moi, personnellement, je rigole énormément parce que, je veux dire, il est hors de question qu'ils arrivent à un accord. Ils veulent pas. Parce qu'ils veulent pas arrêter de polluer. Ils veulent continuer. D'ailleurs, Al Gore, dont je parlais tout à l'heure, il est le premier à avoir des actions dans je sais pas combien de mines de charbon et de pétrole. Donc, c'est pas des gens qui veulent arrêter la pollution de la planète. Protocole de Kyoto qui, à mon avis, a des enjeux géopolitiques, puisque ça sert, et vous le dites un peu dans votre livre, que ça pourrait servir à contenir la montée en puissance de la Chine, des pays des BRICS, puisque ça les empêcherait, eux, de polluer, alors qu'ils ont justement besoin de polluer actuellement pour développer leur industrie. Oui. Donc c'est une arme diplomatique utilisée par les États-Unis pour contenir... Oui, et surtout pour qu'ils aient pas de concurrence, parce que d'abord, ils sont allés les piller, les pays d'Afrique, etc., où il y avait les métaux lourds, et maintenant, ils veulent surtout pas que les mecs se mettent à exploiter les choses pour eux-mêmes et à entrer en concurrence avec eux. Et vous nous dites que pour les plus récalcitrants, après Kyoto, il y a ARP. si vraiment ça... Après Kyoto, non, pour les récalcitrants, c'est-à-dire que quand on voit tout ce qu'ils ont comme système d'armes, je veux dire non létales, entre guillemets, à leur disposition, je crois que c'est Coluche qui disait, les je ne sais plus comment il disait, maintenant les gouvernements ont le droit de nous faire taire. Oui, la Gestapo avait les armes pour nous faire parler, nos gouvernements ont les armes pour nous faire taire. Claire, pour conclure, une question importante. On a, tout au long de l'émission, on a dit « ils » pour désigner ceux qui organiseraient ce plan global. Et dans votre livre, vous consacrez un chapitre sur cette question, vous intitulez « Qui c'est « ils » ?» Qui c'est « ils » C'est une question qu'on me pose tout le temps parce qu'entre lanceurs d'alerte, c'est vrai qu'on dit souvent « ils » sans dire effectivement qui c'est. On sait tous à peu près qui c'est, puisque quel que soit le domaine dans lequel on enquête, quand c'est pas pour dire la Bible ou les dépêches de l'AFP qu'on nous sert dans les médias normaux, on sait on retrouve les mêmes gens, les mêmes noms et les mêmes embrouilles derrière chaque scandale de notre civilisation. Donc, ils, c'est les 13 ou 14 grosses familles qui tiennent les rênes de l'économie et donc du pouvoir et des banques, ce sont les mêmes qu'on retrouve derrière la crise boursière et derrière le réchauffement climatique et derrière les industries pharmaceutiques et derrière la malbouffe, ce sont les mêmes gens. Donc, ce sont les mêmes probablement qui ont fait les pierres que tout le monde connaît maintenant, Guidestones, ça fait des années qu'ils disent qu'on est trop nombreux sur Terre et qu'ils cherchent des moyens de nous éradiquer. Bill Gates dit en face caméra, même avec les vaccins, avec les nouveaux vaccins, on n'arrivera pas à éradiquer plus de 10 à 15% de la population mondiale. Donc je pense qu'il y a un moment où il faut se rentrer dans la tête qu'il y a des gens, oui, qui ne nous veulent pas du bien et que la population ferait bien d'être consciente de ce qui se passe. Vous montrez bien ça dans votre livre, hein, les liens qu'il y a entre les ONG, les politiques, les industries de l'armement et par-dessus la main de la haute finance. Je crois, Xavier, que tu voulais conclure... Pour conclure, un passage de l'introduction de Pierre Hillard à votre ouvrage... Sur justement le but de cette oligarchie, il écrit « L'idéal suprême pour l'oligarchie est d'avoir un simple individu, déraciné psychologiquement, déstructuré et nomade, afin de mieux le soumettre, en paraphrasant le général Eisenhower, au complexe militaro-industrialo-pharmaco de la gouvernance mondiale. Pour l'oligarchie, et en liaison avec les techniques les plus développées, une humanité réduite à 500 millions d'habitants, comme le prescrit Georgia Guidestone, représente le profil adéquat de la rentabilité maximale. Oui, mais tout converge, parce que quand on regarde, par exemple, ce que je disais tout à l'heure sur la stérilité, on s'aperçoit que d'un côté, ils nous rendent malades, stériles, et en fait, tous les travaux en microbiologie, etc., ne vont pas à la recherche pour qu'on aille mieux, ils vont à la recherche d'utérus artificiel, la GPA, enfin tous les trucs, la manipulation génétique, etc., vont dans le sens de créer un nouvel homme. Et quand on regarde leurs travaux, et ça c'est aussi, c'est tellement vaste que... Mais les travaux vont vers le transhumanisme. C'est-à-dire que pour un autre savant, il y a David Kiff pour les épandages, mais il y a un autre grand barjot sur cette planète qui s'appelle Kurzweil et qui vient d'être... recruté par Google il y a un an. Il faut savoir que Google est en train de racheter depuis des années toutes les entreprises de transhumanisme, enfin qui traitent du transhumanisme, qui font des recherches sur le transhumanisme, et c'est-à-dire greffer un cerveau sur un computer et inversement, un computer télécharger son cerveau du computer et du computer au cerveau. Et ce sont des gens qui croient dur comme fer que l'humanité va aller beaucoup mieux. Quand l'homme sera un homme-machine. Et il faut pas être dupe, parce que quand on regarde bien toutes ces fondations philanthropiques avec Bill Gates et Rockefeller, on voit qu'ils avancent tout le temps en étant philanthropes et puis en étant là pour nous améliorer notre santé, l'alimentation, ce souci du climat. Mais en fin de compte, dans les faits, quand on observe vraiment le résultat de leur action, c'est systématiquement négatif. Oui. Donc à un moment donné, il faut... ouvrir les yeux, juste regarder, observer et voir les comptes rendus de ce qu'ils font et arrêter de les écouter. c'est comme ça qu'ils avancent. C'est toujours, vous savez, on dit toujours le diable avance toujours à visage masqué. Il se présente toujours comme un bienfaiteur. Voilà. Et c'est exactement le même procédé. Comment on peut faire accepter aux populations des choses inacceptables si c'est pas en le cachant derrière des menées philanthropiques? Ouais. Et c'est systématique. On voit Bill Gates avec la vaccination. On découvre qu'en fin de compte, la vaccination en Afrique, c'est catastrophique. Il a éradiqué la polio, mais les gens meurent maintenant du virus vaccinal. Pour les OGM, ça a été le même résultat. On voit à chaque fois, systématiquement, on avance un but philanthropique, un but d'amélioration de la vie des sociétés et des peuplades. Et en fin de compte, au résultat, c'est totalement négatif. Donc, il faut arrêter d'être dupe. Très bien. Bah, écoutez, c'est sur ces conseils de méfiance que nous allons conclure cette émission. Claire Sévrac, merci beaucoup pour avoir participé à cette merci à vous. Humble émission. Nous en sommes encore qu'au début, hein, Xavier. Ouais. Donc, chers auditeurs, merci beaucoup d'avoir écouté cette émission. On se retrouve la semaine prochaine avec Dimitri Corias qui nous présentera un livre, La télévision malade du sionisme, édité chez les éditions Contre-Culture. Donc, on se retrouve la semaine prochaine. À la semaine merci prochaine. À tous. Merci, au revoir.